15-9, observation, calendrier, révision et extension. C'est quand votre anniversaire? C'est en juillet, au mois de juillet, le 6 juillet. En janvier, au mois de janvier, le dimanche 1er janvier. En février, au mois de février, le lundi 2 février. En mars, au mois de mars, le mardi 5 mars. En avril, au mois d'avril, le mercredi 9 avril. En mai, au mois de mai, le jeudi 10 mai. En juin, au mois de juin, le vendredi 22 juin. En juillet, au mois de juillet, le samedi 14 juillet. En août, au mois d'août, le dimanche 31 août. En septembre, au mois de septembre, le lundi 15 septembre. En octobre, au mois d'octobre, le mardi 6 octobre. En novembre, au mois de novembre, le mercredi 11 novembre. En décembre, au mois de décembre, le jeudi 25 décembre. À Noël. À Pâques. À mon anniversaire.